cours numéro 13. Alhamdulillah, wa salatu wa salam, ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل والمقصود بهذا أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باليد واللسان والقلب مساعدة ونصيحة وتعليما وإرشادا ومودة. هذا الفصل النفيس سمن أهم فصول هذا الكتاب. Ce chapitre il fait partie des plus importants de ce livre. لماذا؟ لأن c'est le lien entre ما تقدم et le sujet même, le sujet principal de cette رسالة. تقدم معنا au début du livre التعاون على البر والتقوى et son importance, أي l'entraide dans le bien. ثم الإمام ابن القيم رحمه الله إلى citer les deux hijras. Al-hijratu ila Allah, ay adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et lui obéir azza wa jal. Et al-hijratu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ay suivre le prophète alayhi salatu wa sallam et délaisser tous ceux et tout ce qui contredit sa sunna. Thumma huna qal wal maqsoud bihada. أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. C'est ça le lien entre tout ce qu'on vient d'étudier ensemble. ولله الحمد. أن l'entraide c'est très très important. كما قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. Entraidez-vous dans le bien. Et من أعظم التعاون c'est le fait de s'entraider dans ce chemin. Ay, ala safari al-hijrati ila Allah wa rasulih sallallahu alayhi wa sallam. On doit s'entraider fi hada. Comment s'entraider? Qala rahimahullah bil yad wal lisan wal qalb. On doit s'entraider bien sûr avec des actions et كذلك avec nos langues, avec des bonnes paroles wa hakadha avec nos cœurs. Qala musa'adatan wa nasihatan وتعليما وإرشادا ومودة. مساعدة c'est s'entraider. المساعدة c'est tu aides ton frère. Il a besoin d'une chose. ونصيحة وهذه هي الأهم هي الأعظم c'est une entraide. أي في الخير tu le conseilles. À ton frère peut-être qu'il a des manquements. Peut-être qu'il a des faiblesses. فأنت ça ne sert à rien dans ce cas. Si ton frère il veut al-khayr et s'il accepte la vérité, ça ne sert à rien de l'enfoncer via al-hal. Al-nusih, al-nasiha fiha khayr. Peut-être que ce conseil, ça va être la cause anna hadha al-muslim, il se reprend. Hadha al-muslim, il s'améliore, il se corrige. Wa ta'liman, hadha kadhalik. C'est très très important. Bab al-ta'lim. Le fait d'enseigner à ses frères, le fait de montrer aux ignorants. Wa irshadan, hakada al-irshad, ça vient de rushd, ça vient de la guider. Et on montre al-haq. Qala wa mawaddatan. Et toutes ces choses, ça sera utile avec hadhihi al-mawadda. Si on a cet amour entre nous. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المودة c'est la mahabba qui est cité dans ce hadith qu'on vient d'énoncer. Et personne de vous croira tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. فالتعاون, cette entraide, elle est basée sur cet amour. Je veux que mon frère réussisse comme moi je veux réussir. Je veux que mon frère il ne s'égare pas comme moi je déteste l'égarement. Je veux que mon frère il avance dans son din comme moi j'espère avancer. هكذا بإذن الله عز وجل. Si التعاون il est fondé sur ces points, بإذن الله عز وجل, cette entraide elle sera très très profitable. Vous avez remarqué que التعاون que l'imam ibn al-Qayyim rahimahullah il a cité, c'est lié essentiellement sur le din. On ne doit pas penser qu'à l'entraide de dunya. Bardelnes, quand ils pensent à entraide, forcément pour eux c'est synonyme d'argent. L'entraide, c'est pas que l'argent. L'entraide, c'est pas que physiquement. A'azzamu at-ta'awun, l'entraide la plus importante, c'est at-ta'lim. C'est avec l'ilm. C'est avec an-nasiha. C'est le conseil. قال ابن القيم رحمه الله ومن كان هكذا اي لي اوصاف qu'il a cité auparavant اي le fait de s'entraider le fait de se conseiller de s'aimer مع عباد الله كان الله بكل خير اليه اسرع. Ça te montre anna, parmi les causes qui vont t'aider à réussir cette hijra إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم c'est que tu essaies de faciliter d'être une cause pour que ton frère Kadalik réussisse cette hijra. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. Tu veux que Allah سبحانه وتعالى t'aide. Fais tout pour aider tes frères. قال وأقبل الله إليه بقلوب عباده وفتح على قلبه أبواب العلم. Plus tu donnes du ilm, plus Allah سبحانه وتعالى t'en donnera. Plus tu essaies d'être une cause de bien pour tes frères, pour la communauté, Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvrira ton cœur, les portes de ton cœur, pour que ce cœur, il accepte la vérité. قال ويسره لليسرى. نعم. Celui qui facilite à son frère, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui facilite. قال ومن كان بالضد فبالضد. Mais le contraire. عياذا بالله. Celui qui est égoïste, il ne veut pas partager l'ilm. Il veut que faqat, celui qui avance et les autres ils n'avancent pas. Et il n'arrête pas de mettre des bâtons dans les roues. Il n'arrête pas de semer la discorde, propager les doutes. Iyadam billah, ba'adhum, leur but c'est que la division. C'est que de faire du mal aux autres. Ha'oula, ils se feront du mal. Limadha li'anna Allah azza wa jal alimun khabir. Et an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala bashira. بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تنفروا ولا تعسروا أو قالها بصيغة المثنى dans un love. لماذا؟ لأنهم ils étaient deux رضي الله عنهم. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم nous a encouragé à essayer de faciliter aux autres, à encourager les autres, à annoncer la bonne nouvelle aux autres, ne pas être une cause de difficulté. Encore plus à notre époque. À notre époque, certains musulmans, on ne parle pas de Ahlul Ahwa ou Al-Bida' ou Al-Munafiqoun ou Al-Zanadiqa, Ha'oula qui font beaucoup de char. On doit avoir une position de la fermeté envers eux et faire des efforts pour mettre en garde contre eux. On les combat bil-ilm ou Al-Hujja avec les preuves. Al-Kalam l'an, il est vu Ba'ad al-Muslimin qui aiment la vérité, qui aiment l'haq, lakin ils ont des faiblesses. Enfin, à notre époque, si Anta, Akhil Karim, qui fait des efforts pour l'ilm, qui connaît la vérité, peut-être que tu as réussi à avancer dans ton dîn, à appliquer cette hijra, la hijra du cœur ou du corps, tu dois être une cause pour faciliter à tes frères. Khassatan kama qulna, à cette époque, il y a beaucoup d'obstacles. Et min al-mufid huna, pour pouvoir t'entraider avec tes frères, Minal Mouvid, c'est que tu ne penses pas que tout le monde connaît ce que tu connais. Que tout le monde a les mêmes facilités que toi. Wardenias, ils vivent toujours dans la comparaison. Et ils se font beaucoup de mal. Les gens, ils ne sont pas comme toi. Wardenias, des choses minimes pour toi, c'est acquis. C'est devenu très simple. Wardenias, certaines personnes, pour eux, c'est très très difficile. Donc, tant que ce musulman, il aime la vérité, il veut la vérité, et tu sens qui peut l'accepter, aide-le. Khassatan s'il reconnaît ses torts. Wa'ad al-Muslimin, maintenant, ils reconnaissent leurs torts. Certains frères, ils ont du mal à certaines choses. Certaines sœurs, elles ont du mal maintenant à porter le hijab. Et elles reconnaissent. Et elles espèrent. Hamid la'a'oula, on n'a pas à les rejeter. Ha'oula, on doit être une cause pour essayer de les attirer vers le haq. Kama taqaddam ma'ana li'annahum. C'est des proies. C'est des proies et beaucoup de gens, ils essayent de les attirer vers eux. Al-Kuffar min jiha, al-Munafiqoun min jiha, Ashab al-Dunya, d'un côté. Sinon, on les laisse, voilà, chacun a, ha'oula, ils vont attaquer cette proie et lui faire beaucoup de mal. Fa'al-Mu'min, al-Muslim, wa bil-Akhas, al-Sunni, talibul-Ilm, ça doit être une cause de rahma pour les autres. Et son modèle, c'est un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était une rahma pour l'alamin. Même pour les animaux. Même pour le kuffar. Il leur montrait le haq. Et combien de gens ils sont revenus sur le droit chemin. Hakada nahnu. Si on se prétend et on affirme qu'on est des suiveurs du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, on essaie de le suivre. Fi hadhihi al-khisal al-azim. Qala rahimahullah. وفتح على قلبه أبواب العلم ويسره لليسرى ومن كان بالضد فبالضد وما ربك بظلام للعبيد. يا الله سبحانه وتعالى il est pas injuste, بل الله سبحانه وتعالى il est juste. Si quelqu'un s'égare, si quelqu'un tombe dans une fitna, fait du shor, fait du mal, c'est à cause de ce qu'il a fait. وإلا فالله سبحانه وتعالى كريم. فإن قلت فقد أشرت إلى سفر عظيم وأمر جسيم فما زاد هذا السفر وما طريقه وما مركبه. أي à cette partie du livre, on a compris que on doit tous faire des efforts pour appliquer ces deux hijras. الهجرة إلى الله والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Et on a, walillahi alhamd, lu ensemble des versets wa kalam ibn al-qayyim, rahimahullah, pour montrer هذا السفر, ce voyage. On est tous en voyage, comme taqaddam. Kulluna sa'irun. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم, kullu nas yaghdu fa mu'tiquha aw mu'wiquha. Ou comme قال النبي عليه الصلاة والسلام, نعم. Et chacun de nous, il fait des choses. Le matin, il sort. Le matin, il a des activités. Chacun de nous. Fawadunnas, il arrive à sauver son œuf. C'est Fawadunnas. Il emmène sa propre âme à sa perte. Son propre œuf à sa perte. Donc, on est tous. Fihada as-safar al-azim. On est tous voyageurs. Enfin, la question qu'on peut se poser, et que l'imam Nurqayyim, rahimahullah, il a posé, fama zad hada as-safar. Vu qu'on est tous en voyage. On est tous d'accord, hein? C'est quoi les provisions qu'on a besoin? فما زاد هذا السفر الزاد, c'est les provisions. وما طريقه, كذلك, quand tu voyages, tu as besoin de connaître le chemin, le parcours, la route. قال وما مركبه, كذلك, quand tu voyages, si tu veux avancer, tu as besoin d'une monture. إلا si tu marches à pied, ربما, tu te fatigueras très très vite. Enfin, trois choses. Azat, les provisions. Connaître le parcours, connaître la route, al-tariq et al-markab, avoir une monture. Si tu as ces trois choses, bi-idhnillahi azza wa jal, tu avanceras. Et tu pourras arriver à destination, bi-idhnillahi azza wa jal. Exactement comme un voyage par rapport à dunya. Maintenant, un wahed qui veut voyager à notre époque, wa indahu zat. Il a de l'argent, il a de la nourriture. Il connaît Tariq, il connaît la route, il a son billet d'avion, il connaît son départ, il connaît son lieu d'arrivée. Et Al-Markab, il a un billet d'avion, il a une voiture, il a toutes les possibilités d'arriver. Contrairement à Wahed, il n'a pas d'argent, il n'a pas de passeport, il n'a pas de moyen de transport, il ne sait pas exactement où il veut aller, il aura beaucoup de mal. Qal ibn al-Qayyim rahimahullah, qultu, il va... Il a plutôt détaillé dans ce chapitre, c'est assez résumé. Lakin, il a cité les trois. Zad, la provision, le chemin, le parcours et la monture. Qultu, هذا كلام ابن القيم رحمه الله. زاده العلم الموروث عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. Il a commencé par le plus important. Zad, la provision principale que tu as besoin pour ton voyage, Akhil Karim, et ton parcours dans cette dunya, jusqu'à ta mort, le principal, ou la principale provision, c'est Al-Ilm. Zaduhu Al-Ilm, la science. Et ta'ammal, comment il a qualifié cette science? Qala zaduhu Al-Ilm Al-Mawruth An Khatim Al-Anbiya Sallallahu Alayhi Wa Sallam. C'est pas n'importe quel ilm. Là, c'est l'ilm que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a propagé. Al-Qur'an ou Al-Sunnah. Et que le Salaf, radiallahu anhum, ils ont appliqué, et ils ont compris et ils ont transmis. قال زاده العلم الموروث عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. C'est la provision la plus importante, at-taqwa. Et l'âme de taqwa, ruh at-taqwa, c'est al-ilm. Limada? Lian at-taqwa, comme on a étudié ensemble précédemment, la définition de Talq ibn Habib, c'est le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, à la nour min Allah, tarju thawab Allah. C'est ça at-taqwa. C'est le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala avec des preuves et tu espères la récompense. Et hakada, s'écarter de la désobéissance avec des preuves et tu crains le châtiment d'Allah azza wa jalla. Cette obéissance, elle est fondée sur l'ilm. C'est pour ça que dans le ta'rif qal ala nourin min Allah, an-nour c'est l'ilm. Donc la base c'est l'ilm. Wa tazawwadu. Allah subhanahu wa ta'ala amarana bi at-tazawwud. At-tazawwud c'est le fait de prendre des provisions. Que ça soit si tu veux aller au Hajj, que ça soit tu veux faire la Hijra, pour n'importe quel voyage, tu as besoin de provisions. Lakin, n'oublie jamais, anna khayr al-zad, c'est at-taqwa. La meilleure des provisions, c'est at-taqwa. Qala, wala zad lahu siwa. Tu n'as pas besoin d'autres provisions pour cette hijra. Si tu as l'ilm, et bien sûr avec tout ce que ça implique, comme compréhension, comme mise en application, falhamdulillah, tu n'as pas besoin d'autres choses. Tu n'as pas besoin d'autres uloum. Tu n'as pas besoin de l'avis d'un tel ou de faire passer la raison avant les textes, ou des comparaisons fausses, erronées, qui sont fondées sur le batil. Qala, وَلَا زَادَ لَهُ سِوَا فَمَنْ لَمْ يَحْصُلْ هَذَا الزَّادَ فَلَا يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ. Celui qui n'a pas cette provision, il n'a pas besoin de sortir de chez lui, il reste chez toi. هَكَدَ قَالَ الْإِمَامُ بْنُ الْقَيِّمْ رَحِمَهُ اللَّهِ لِمَاذَا لِأَنَّ هَذَا السَّفَرُ. Ce voyage qu'on vit tous l'un, tu es confronté nuit et jour, à chaque instant, à des choses. Imma tu dois faire cette ibadah, tu as besoin d'ilm. Imma tu dois t'écarter de ce haram, tu as besoin d'ilm. Imma tu rencontreras wahed qui va te proposer une chose, qui va prétendre une chose, qui va te dire telle chose, elle est bien. Tu as besoin d'ilm. Imma tu vas tomber sur un livre. Est-ce que ce livre il est bénéfique? Imma tu as besoin d'ilm. Si tu n'as pas hadha l'ilm, tu pourras te faire beaucoup de mal. C'est comme wahed qui sort pour voyager dans un endroit où il y a des animaux féroces, etc. Et il n'a pas de protection. Ah, si il rentre dans cet endroit, maintenant une forêt ou autre, il se fera beaucoup de mal. Ah, celui qui veut voyager sans ilm. Les manas, ce ne sont pas des animaux féroces que tu trouveras sur ton chemin. Là, c'est des shayatin, min al-ins wal-jin, et chacun, il voudra t'attirer vers lui. نعم والله سبحانه وتعالى حذرنا من طرق الشياطين إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا هكذا قال عز وجل فاتخذوه عدوا الشيطان c'est votre ennemi, vous a pris comme ennemi, prenez-le comme ennemi. Comment tu fais pour le prendre comme ennemi? Est-ce que Shaitan tu vas pouvoir le frapper, tu vas pouvoir l'enfermer? Là, Shaitan tu le vois pas. Là, comment tu vas le prendre pour ennemi avec l'ilm? Tu vas connaître ses ruses. Tu vas connaître ses alliés bil-ilm. Et bien, idnillahi azza wa jal, tu vas le détester. Tu vas détester ses alliés. Tu vas te préserver. Idnillahi azza wa jal. Qala, rahimahullah, wa la zad lahu siwa. Faman lam yahsul hadha zad. Fala yakhruj min baytih. Wa liyak'ud ma'al khalifin. Celui qui n'a pas cette provision, qu'il reste chez lui. Il reste avec Al-Khalifin. Kama anna fi dunya, mathalan fi Al-Jihad, c'est pas tout le monde qui peut faire Al-Jihad. À l'époque du prophète alayhi salatu wasalam, certains ils ne pouvaient pas. Parmi les femmes, parmi les enfants, parmi les malades. Celui qui ne peut pas, هذا الجihad العظيم, jihad ou Al-Ilm, et accomplir cette hijra, qu'il reste avec Al-Khalifin. Al-Khalifin, هنا c'est qui? C'est ceux qui ont été laissés la science, qui ont délaissé la mise en application. قال رحمه الله فرفقاء التخلف البطالون أكثر من أن يحصوا. وللأسف, celui qui ne fait pas d'efforts dans l'ilm et qui n'est pas prêt à faire ce voyage, fin, il restera avec Al-Khalifin, comme Ibn Qayyim, rahimahullah, il en trouvera beaucoup. Beaucoup de gens qui ne pensent même pas à cette hijra, à ce voyage. Hada, il est occupé par la politique, Hada, il est occupé par le sport, Hada, il est occupé par la musique, Hada, il est occupé par du haram, Hada, il est occupé par du shirk, Hada, il adore des tombes, Hada, il ne croit plus en Allah, subhanahu wa ta'ala, Hada, il trouvera beaucoup de catégories devant lui. Lakin, ne délaisse pas Hada al-Khayr. Fais des efforts. Ibn Qayyim, rahimahullah, limada, il a cité mitla Hada al-Kalam pour nous secouer. Hakada, l'être humain, Ahyane, il a besoin de mitla Hada al-Kalam. Si tu ne peux pas, reste chez toi. Ça ne veut pas dire, fais pas d'efforts et reste chez toi. Là, Hada, c'est pour nous réveiller. Qala, rahimahullah, فمن لم يحصل هذا الزاد لا يخرج من بيته وليقعد مع الخالفين فرفقاء التخلف البطالون اكثر من ان يحصوا نعم ils sont nombreux يا دم بالله. Donc هذا الزاد العظيم c'est العلم الشرعي. Ne perds pas ton temps avec autre chose. C'est pas des provisions utiles. Comme من الناس, ils ont voyagé. Ils ont donné du temps à certaines choses. Donc, la première choubha, le premier obstacle sur leur chemin, sur leur parcours, ils font demi-tour, ils abandonnent. Les malades, les anhommes, ils n'ont pas donné du temps à la provision principale. Al-ilm al-shar'i, c'est al-Qur'an ou sunnah, c'est fondé sur la mémorisation, c'est fondé sur la patience, c'est fondé sur la régularité, c'est fondé sur les sacrifices. Il y en a ce point, on ne doit pas être insouciant via Dalbab. C'est pas l'ilm avec la langue. J'aime le Coran et la Sunna. On est des salafis, on suit le Coran et la Sunna et ça s'arrête là. Il faut des sacrifices, il faut donner du temps, il faut se fatiguer. Ça va être utile. Une prétention, comme tu as dit, et comme ça y est, Inch'Allah ta'ala, ça ne va pas faire. Qala rahimahullah, falahu uswatun bihim. ولم ينفعه هذا التأسي يوم الحسرة شيئا كما قال تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. تأمل سيدي حسين. قال ابن القيم رحمه الله فقطع الله سبحانه انتفاعهم بالتأسي أو بتأسي بعضهم بعضا في العذاب. Pourquoi؟ قال فإن مصائب الدنيا إذا عمت صارت مسلة وتأسى بعض المصابين ببعض كما قالت الخنساء. Qu'est-ce qu'il veut montrer هنا ابن القيم رحمه الله؟ Il veut montrer أن في الدنيا أهل الشر أو même ceux qui sont pas à la شر, celui qui subit une épreuve. Donc ça concerne les deux catégories. الصالحون الفجار. Quand tu es touché, fi dunya, par une épreuve, ça te rassure si tu n'es pas seul. Hada ma'rouf. C'est pour ça que Al-Kuffar ou Al-Dalal, il se rassure avec Hada. Vous avez remarqué, quand tu lui montres ses erreurs, ou sa mécréance, il dit, mais beaucoup de gens, ils sont comme ça. Il se rassure. Yawm al-Qiyamah. Tout cela, ça sera plus d'aucune utilité. قال عز وجل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. Et ce jour-là, quand ils seront en enfer châtiés, le fait qu'il y aura des milliers, des millions d'êtres humains qui seront châtiés avec Haoula, ça sera d'aucune utilité. في الدنيا نعم. Quand tu souffres et tu sais que tu n'es pas le seul, ça te console, ça te repose. Tu te rassures, tu dis Alhamdulillah, il n'y a pas que moi qui subis cette épreuve. يوم القيامة والعياذ بالله في النار, ça sera d'aucune utilité. قال كما قالت الخنساء, أي dans ce vers de poésie, فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنهم بالتأسي. Ce vers de poésie, il est clair أن هذه المرأة elle s'est rassurée أن son épreuve elle n'était pas la seule. فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. Si j'étais seul, je me serais suicidé. Hakada qala. Wa ma yabkouna mitla akhi, walakin usalli an-nafs 'anhum bit-ta'assi. Naam. Même si ils n'ont pas exactement la même épreuve que moi, ou ils pleurent pas pour la même personne que moi, lakin le fait qu'ils pleurent aussi, ils ont subi une épreuve, ça rassure. Qala fa hadha ar-ruh الحاصل من التأسي معدوم بين المشتركين في العذاب يوم القيامة. نعم، le fait de ressentir que l'insan il est pas seul à être éprouvé, à souffrir, في الدنيا ça rassure. لكن يوم القيامة c'est d'aucune utilité هذا. قال وأما طريقه. On résume la provision principale, العلم الشرعي. Donc fais des efforts. C'est pour ça que Nabi alayhi salatu salam, cette provision, il a démontré un c'est le chemin du paradis. قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. تامل هذا الحديث. ان celui qui emprunte une voie, un chemin pour apprendre sa religion, Allah lui facilite un chemin pour le paradis. لماذا؟ لان c'est la provision. Et ta'ammal, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé l'ilm un chemin, une voie. C'est exactement cette hijra. Donc cette hijra, la provision principale, c'est l'ilm. Wa fil hadith al-akhar, man yuridillahu bihi khayran, yufaqihu fi din. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il veut du bien à un de ses serviteurs, il lui facilite l'apprentissage de la religion. Fais des efforts. Ne laisse rien passer avant hadha l'ilm. Nasiha. Si tu veux réussir, Allah subhanahu wa ta'ala il t'élèvera fi dunya wa fil akhir. Et rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tu veux être élevé, ne pense pas à dunya. À dunya, au contraire, celui qui s'attache trop à dunya, c'est une cause pour qu'il soit humilié. Accroche-toi à ton din. Et ton din, il est fondé sur la science. Et bi idnillahi azza wa jal, tu avanceras. La provision principale, c'est l'ilm. Thumma qala wa amma tariqu. Aïe. Le chemin, le parcours de cette hijra. C'est quoi la route? Qala fahuwa badlul juhd wastifra'ul wus'a falan yunala bil muna wala yudrak bil huwayna wa innama kama qila fakhudh ghamaratil maut wasmu ila al 'ula likay tudrika al 'izz al rafi' al da'imi fala khayra fi nafsin takhafu min al rada ولا همة تصبو إلى اللوم إلى لوم لائمي. أما الطريق أي la façon de se déplacer dans ce voyage et le parcours, c'est بدل الجهد, c'est de faire des efforts, faut des sacrifices. واستفراغ الوسع أي mettre tout ce qu'on peut, ton argent, ton nefs, ton cœur. فَلَنْ يُنَالْ بِالْمُنَى. المُنَى لعله هنا من التمني, من التمني أي الأماني. نعم. هذه الهجرة, ça suffit pas une simple prétention. J'ai envie de la faire et j'en ai entendu parler et ça s'arrête là. فَلَا يَنْفَعْ هَذَا. لَا يَنْفَعْ. لَابُدْ مِنْ جُهْد وَتَضْحِيَة. Des sacrifices. كَذَلِكْ وَلَا يُدْرَكْ بِالْهُوَيْنَ. Al-Huwayna, imma ça vient de Al-Bot, le fait de marcher doucement, de se déplacer lentement. Naam. Naam. Yamshuna ala al-ardi hawnan, ay bi sakina wa waqar. Imma ça vient de hada, ay pour montrer qu'il faut que l'insan il fasse des efforts et il se déplace, qu'il ne reste pas hakada lentement et il ne fait pas d'efforts. Imma ça vient, et c'est aqrab de at-tahawun. Wala yudrak bil huwayna. أي الذي يتهاون. Il donne pas d'importance à ce point. فهذا فلا بد des sacrifices. Vous avez remarqué que, et on l'a déjà cité كثيرا, أن الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, elle est liée à الهجرة في الدنيا, أي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. هكذا الهجرة إلى بلاد الإسلام, il faut الجهد, il faut استفراغ الوسع. Et tu mets tout ce que t'as. Amma, faqat les prétentions et Hakada la fainéantise et ne pas se déplacer et attendre toujours et regarder toujours les autres et chercher des fausses excuses. هذا كذلك سيرالنتير الانسان فنسال الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع ثم قال ولا سبيل الى ركوب هذا الظهر الا بامرين هنا avant de citer المركب la monture avant de citer la monture رحمه الله عليه هذا من فقه ça fait partie de fiqh هذا الامام رحمه الله عليه il a cité deux points qui vont te permettre de pouvoir monter sur la sur la monture, sur ton moyen de transport. قَالَ وَلَا سَبِيلَ إِلَى رُكُوبِ هَذَا الظَّهْرِ إِلَّا بِأَمْرِ Si tu veux avoir ce moyen de transport, cette monture, pour ta hijra ila Allah wa rasoulihi sallallahu alayhi wa sallam, tu as besoin de ces deux points. قَالَ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يَصْبُ فِي الْحَقِّ إِلَى لَوْمَةِ لَائِمْ Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, ça يَأْتِ مَعْنَا On commence par le premier. قال أن لا يصبو في الحق إلى لومة لائم فإن اللوم يدرك الفارس فيصرعه عن فرسه ويجعله طريحا في الأرض. قال رحمه الله. On répète le premier. أن لا يصبو في الحق إلى لومة لائم. أي si tu es touché par ce que les autres disent, le premier qui parle sur toi t'afchel et tu fais demi-tour, tu n'y arriveras pas. Enfin, ne regarde pas les autres. Limada, il a cité ce point. Si tu veux accomplir cette hijra, tu seras critiqué. Exactement comme la hijra, si tu veux délaisser Blad Kufr et la Blad Islam. Tu trouveras toujours certains qui parleront. Mais ce pays où tu vas, c'est pire. Mais pourquoi tu délaisses ce pays? Mais pourquoi il a akhri? Ne regarde pas ce que les gens y disent. Là. Lakin, pour éviter de regarder ce que les gens y disent, il faut la provision principale. Al-ilm. Lena, si tu as l'ilm, tu seras convaincu. Tu seras convaincu que ce chemin, c'est le chemin de la vérité. Enfin, emprunte-le. Même si Hada, il accuse. Même si Hada, il dit tu exagères. Même si Hada, il dit tu te trompes. Même si Hada, il dit tu es un égaré. La toubali. Tant t'as le haq avec toi, bien sûr. قال فإن اللوم يدرك الفارس. Al-Faris, c'est celui qui est sur sa monture. Al-Faris, c'est le cavalier. Et Al-Faras, c'est le cheval. فاللوم, l'homme, c'est les reproches. يدرك الفارس. Cette reproche, elle va vite rattraper ce cavalier, فَيَصْرَعُهُ عَنْ فَرَسِهِ et elle le fera tomber de son cheval. انظروا العلم, c'est amthal, ces exemples, ces images que l'imam ibn al-Qayyim, rahimahullah, il cite. قال وَيَجْعَلُهُ طَرِيحًا فِي الْأَرْضِ Thomas, ce reproche, il te fera tomber de ta monture et il te laissera hakada allongé par terre. Ça nous montre les reproches. Bien sûr, les reproches, c'est pas les conseils. Les conseils, c'est fondé sur la fraternité, sur le ilm. Là, on parle al-lawm. Il n'a pas dit al-nus. Il y a une différence. Al-lawm, c'est les reproches infondés. Ceux qui reprochent, ils ne veulent pas ton bien. Là, leur but, c'est que tu restes ma'ahum. C'est pour ça que dans les deux hijras, que ce soit al-hijratu ilallahi wa rasoolihi sallallahu alayhi wa sallam, ou la hijra kadalik délaissé bilal al-kufr, elles sont liées, bien sûr, délaissé bilal al-kufr. Certains, ils ne veulent pas. Ils veulent que tu restes ma'ahum. C'est pour ça que même al-kafir, même Al-Kafir, normalement, il doit être satisfait si tu suis ton din, tu t'écartes de lui, et encore plus si tu appliques la hijra, et tu n'habites plus ma'a, tu ne le fréquentes plus. Al-Kafir, il ne veut pas hada. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont comme ça. Ils veulent des reproches, comme ça, tu restes comme eux. Fahdhar. Celui qui veut ton bien, c'est An-Nasih. Celui qui te conseille, avec les preuves du Coran, et de la sunna. Hada, celui qui veut ton bien, c'est il te montre la vérité, même si lui a du mal à l'appliquer. L'essentiel, c'est que tu appliques cette vérité. Qala, wa thani. Donc le premier point pour pouvoir monter sur ce moyen de transport, sur cette monture, c'est ne fais pas attention aux reproches. Le deuxième, antahun alayhi nafsuhu fillah, fayaqdum hina idhin wa la yakhaf al-ahwal. Deuxième chose, c'est tu dois t'habituer à faire des sacrifices. قَوْلُهُ تَهُونَ عَلَيْهِ نَفْسُ Mot à mot, c'est que tu ne donnes pas trop d'importance à ton nefs. لِمَاذَا لِيَنَا Ce voyage, il faut des sacrifices. Tu délaisseras certaines choses de dunya à cause du haram, tu ne pourras pas appliquer certaines choses. Tu es obligé. Mais celui qui pense qu'à son nefs et il veut tout avoir dans cette dunya, il pense qu'à son physique, il pense qu'à la bonne santé, il pense qu'au travail, il pense qu'à ces choses. il ne pourra pas faire de sacrifice. Lillah, Azza wa Jal. قال أن تهون عليه نفسه في الله فيقدم حينئذ ولا يخاف الأهوال. لماذا؟ لأن ce chemin il est semé d'embûches, d'obstacles. الأهوال c'est ce qui fait peur. C'est pour ça que les ulama disent أهوال يوم القيامة. أي الشدائد, tout ce qui fera peur à l'insan. Si l'insan il donne trop d'importance à son nefs, il ne pourra pas. Exactement comme la hijra du corps, délaissé bilal kufr et bilal islam. Celui qui donne trop d'importance à son nefs, la première chose qu'il va penser avant de faire la hijra, mais ce pays, est-ce qu'il y a un hôpital? Si je tombe malade, et shaitan yuharib qalba avec ses pensées. Alors que alhamdulillah, t'es fils salam, t'es en bonne santé, pourquoi tu penses à la maladie? Pourquoi tu penses pas à la maladie quand t'es fi bilal kufr? C'est quoi la différence? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est shafi. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala salam. Thumma, si tu tombes malade, l'insan, walillahi alhamd, il fait les causes. On qadr que dans ce pays musulman, tu ne peux pas te soigner, ils n'ont pas les moyens, et tu peux te déplacer dans Bilad Kouf, c'est permis. Enfin, déplace au Bilad Kouf, soigne-toi, alhamdulillah, reviens et continue ta hijra. Hakada cette hijra. Celui qui ne veut pas faire de sacrifice, et kadalik, qui laisse Shaitan lui faire peur, هذا يسفر بكو دمال. قال فمتى خافت النفس تأخرت وأحجمت وأخلدت إلى الأرض. Quand la nefs a la peur, elle recule. هكذا الله سبحانه وتعالى nous a créé. C'est pour ça que la cause principale que beaucoup de gens ne font pas le hijra, c'est pas l'argent. لا. لا. C'est هذا الخوف. Ils ont peur tellement que ils ont une mauvaise image des pays musulmans qu'أنهم si se déplacent directement, ils vont vivre dehors. Ils vont mourir de faim et ils vont tomber malades. Ba'dannas, même s'ils ne le disent pas avec leur langue, faka'anna al-waqi', c'est comme ça. Alors que combien de musulmans, walillahi alhamd, ils vivent dans des pays musulmans, ils ont des maisons, ils ont des appartements, certains ils ont propriétaires, certains ils louent, comme fi bilad al-kufr. Walillahi alhamd, les musulmans ils mangent, alhamdulillah, la plupart des musulmans dans les pays musulmans, ils sont pas malades. Et quand ils tombent malades, walillahi alhamd, et si on ferait une comparaison entre les taux de guérison fi bilad al-kufr bilad al-islam, Allahu a'lam, est-ce qu'il y a une différence? Regarde ce virus l'an qui est propagé. Fi bilad al-kufr, il y a beaucoup plus de malades et de morts que fi bilad al-islam. Donc c'est pas ça al-mizan. Là, l'umour c'est biyadillah. Si on revient à notre hijra, kadalik. Si wahed avant de madalam prend le domaine du travail. Al-hijratu ila Allah wa rasuli, c'est que ce travail, il ne faut pas qu'il t'empêche d'adorer Allah Azza wa Jal. Un travail où tu ne peux pas faire la salat, c'est une fitna, ce n'est pas un travail. Un travail où tu dois te mélanger aux femmes et tomber dans le haram en leur serrant la main ou autre, ce n'est pas un travail, c'est une fitna. Si Al-Insan, il veut accomplir cette hijra, lillah wa li rasuli alayhi sallallahu alayhi wa sallam, si on prend l'exemple du travail, tu dois délaisser le haram et trouver un travail dans le halal. Lakin, si tu laisses le shaitan pénétrer dans ton cœur et te faire peur, la première chose que certains ils se disent, mais si j'applique sunnah, si je porte le qamis, si je fais ci, si je fais ça, si je sers pas la mon femme, je veux pas trouver de travail. Ceux qui disent ça, les mada yaqulun hada li annahum, ils sont axés sur les causes. Wa illa, celui qui donne le travail, celui qui donne le risque, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, le travail viendra. Tous ceux qui appliquent walillahi alhamd as-sunnah, ils meurent de faim, ils n'ont pas trouvé de travail. Ah, c'est un kalam ba'id jiddan. Lakin, au départ, quand tu voudras emprunter ce chemin, appliquer cette hijra, adorer Allah Azza wa Jal seul, obéir à son messager sallallahu alayhi wa sallam, Shaitan va te faire croire hada. Et Rabbama, tu seras éprouvé au départ. Un entretien, et quand ils vont voir que tu es à la sunna, peut-être qu'ils vont te refuser. Isbir. Ça fait partie de ton voyage, tu es au début. Patiente. Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvre les portes à qui il veut, Azza wa Jal. Thumma qal, rahimahullah, فمتى خافت النفس تأخرت وأحجمت وأخلدت إلى الأرض. هكذا نفس البشر. Quand elle a peur, elle se retire, elle n'avance plus et elle reste dans cet état catastrophique. قال ولا يتم له هذان الأمران إلا بالصبر. Tu veux appliquer ces deux choses. Hey, ne pas faire attention aux reproches des injustes, des ignorants, des égarés, et كذلك pouvoir faire des sacrifices. Et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle passe avant tes envies, avant tes désirs. Tu es obligé d'avoir cette autre provision, as-sabr, la patience. Enfin, on résume l'an. Celui qui a l'ilm, thumma, il connaît at-tariq, il fait des efforts, il fait des sacrifices, il fait pas attention aux reproches des autres, et il a la patience avec toutes ses provisions, bi-idhnillahi azza wa jalla, il va avancer dans son dîn. قال فمن صبر قليلا صارت تلك الاهوال ريحا رخاء في حقه تحمله بنفسها الى مطلوبه. Celui qui patiente, ses obstacles, qu'on a cité certains exemples, فبإذن الله عز وجل, tu les ressentiras plus. Ça sera des choses pour toi très très simples. Et tu avanceras بإذن الله عز وجل. قال فبينما هو يخاف منها إذ صارت أعظم أعوانه وخدمه وهذا أمر لا يعرفه إلا من دخل فيه. Mais ces choses, à la base c'était des obstacles, ça se transformera بإذن الله عز وجل. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de les rendre, c'est des causes pour toi, pour que tu avances. Ce travail qui te faisait du mal, tu avais peur de ne pas trouver de travail, là, Allah subhanahu wa ta'ala, il te facilite un rizq et tu avances. قال وأما مركبه. Troisième point, après avoir cité la provision, le chemin, le parcours, la route, al-markab, la monture. C'est quoi la monture? Tu as besoin d'une monture, tu es en voyage. قال فالصدق اللجا الى الله والانقطاع اليه بكليته وتحقيق الافتقار اليه من كل وجه. المركب, ta monture, c'est التوكل. C'est ta sincérité et ta véracité. الصدق et كذلك الدعاء. C'est ça ta monture. C'est pas un animal. C'est pas un moyen de transport comme on a aujourd'hui une voiture, un avion. Là, هذه الهجرة, la monture que tu as besoin, c'est الصدق. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te facilite. قال والانقطاع إليه بالكلية أي التوكل. Place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, les gens ne peuvent rien pour toi, que ça soit en bien ou en mal. Les gens, c'est des causes, faqat. On n'a pas le droit d'appliquer les causes et délaisser al-asl, la base, al-tawakkul, placer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tahqiqu al-iftiqar ilayhi min kulli wajh. Kadhalik, on doit ressentir, et ça c'est le fruit de l'apprentissage de l'aqida, annana, on est des fuqara. Kama qala azza wa jalla, ya ayyuha an-nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwa al-ghaniyul hamid. Antumul fuqara'u ila Allah. Si tu connais les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, très vite tu vas te rendre compte que t'es faqir, tu ne possèdes rien. Et ce ressenti, cette aqida, ça va te pousser à revenir à Allah azza wa jalla. Ce chemin, il est long. De ta naissance jusqu'à ta mort, Allahu a'lam combien de temps ça prendra. Tu as besoin de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. قال والضراعة إليه. الضراعة il Allah subhanahu wa ta'ala, et lui demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ammal mathalan qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, ce dua que un nabi sallallahu alayhi wa sallam il a appris à Mu'adh radiyallahu anhu. Il lui a dit alayhi salatu wa sallam, ya Mu'adh inni uhibbuk. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam il a annoncé à Mu'adh qu'il l'aime. Thumma il lui a dit fala tada'anna inda dubur kulli salat أن تقول أي ندلش jamais après chaque صلاة. العلماء اختلفوا, بعضهم ils ont dit c'est après le تسليم, بعضهم ils ont dit c'est avant le تسليم. الأمر واسع. الدبور c'est l'arrière d'une chose. فإما هنا c'est à la fin avant التسليم, et c'est un moment on ne doit pas négliger pour faire le dua et demander à Allah il nous facilite. إما بعض العلماء ils ont dit c'est après le تسليم. الأمر سهل. C'est quoi ce dua? قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أعني على ذكرك wa shukrik wa husn ibadatik. Un dua très très court, lakin ma'ani azima. Hada, si Allah subhanahu wa ta'ala il t'aide, Allahumma a'inni, tu demandes de l'aide à Allah, pourquoi? Ala dhikrik, pour que tu fasses du dhikr. Et al-dhikr c'est une provision azima, ça fait partie du ilm bien sûr. Al-dhikr ça facilite beaucoup de choses. Adhkar al-sabah wal-masa, al-dukhul wal-khuruj, al-qiyam wal-qu'ud, النوم والاستيقاظ من النوم etc. اللهم أعني على ذكرك وشكرك. كذلك la reconnaissance. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te facilite d'être reconnaissant. Wa a'inni qala Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Ça c'est al-hijra ila Allah wa ila rasulih. Limada li anna al-hijra ila Allah c'est l'adorer sincèrement, al-hijra ila Allah rasul c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala en suivant le Nabi alayhi salat wa salam. Ces deux hijras sont résumés fi hada du'a al-azim. Et ta'ammal, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a conseillé Mu'ad de le dire après chaque salat. Après chaque salat, enfin, si tu fais walillahi alhamd, les 5 salats obligatoires par jour, tu diras ce dhikr 5 fois par jour. 5 fois par jour, ça t'aidera pour ton voyage. Ton voyage il a l'akhira. Qala wa sidq at-tawakkul alayhi wal isti'anatu bih. Ahla taqaddam. Ay placer sa confiance en Allah, lui demander de l'aide. Wal intirah bayna yadayhi kal ina' al matloum al maksour al farigh alladhi la shay'a fihi yatatalla'u ila qayyimihi wa walihi an yajbura wa yalumma sha'athahu wa yumidda min fadlihi wa yastura fahadha alladhi yurja lahu an yatawalla Allah an yatawalla Allah hidayatahu. Et le fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, de se rabaisser pour Allah subhanahu wa ta'ala, de lui demander de placer sa confiance. Fahada walillahi alhamd. Cette personne, elle a fait toutes les causes pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui facilite et il la guide. قال وأن يكشف له ما خفي على غيره من طريق هذه الهجرة ومنازلها. C'est pour ça qu'il y a une différence énorme entre certains. Certains, ils arrivent à accomplir cette hijra. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur facilite, ils avancent et ils adorent Allah. Azza wa Jalla, ils suivent Nabi sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à leur mort, jusqu'à leur dernier souffle. Et d'autres, ils n'arrivent pas. Pourquoi? La différence, c'est le cœur. Cette hijra, c'est pas avec ton physique. Cette hijra, tu n'as pas besoin de courir. Tu n'as pas besoin d'être en bonne santé. Cette hijra, c'est la santé de ton cœur. Si tu as le cœur en bonne santé, bi idhnillahi azza wa Jalla, tu avanceras. Comment faire pour que ce cœur soit en bonne santé? On revient à tout ce qu'on vient de lire. Awwalan al-ilm. Purifie ton cœur avec la science. Thanian, as-sabr. Tu ne fais pas attention aux autres. Tu n'œuvres pas pour les autres. Kadhalik, at-tawakkul ala Allah. Kadhalik, al-dhikr, avec la langue et le cœur. Kadhalik, bien sûr, at-tawhid. Kadhalik, demander l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala, il a. Thumma qal, on lit le chapitre suivant, il est très très court. Qala, wa ra'su mali al-amr. أو قبل ذلك قال فصل ورأس مال الأمر وعموده في ذلك إنما هو دوام التفكر وتدبر آيات القرآن. كذلك pour ton voyage tu auras besoin d'un capital. C'est lié aux provisions, ça ressemble. رأس المال c'est le capital. Ton capital que tu as besoin pour tout ton voyage c'est دوام التفكر وتدبر آيات القرآن. C'est de méditer sur le Coran. قال بحيث يستولي على الفكر ويشغل القلب فإذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر من قلبه وهي الغالبة عليه بحيث يصير إليها مفزعه وملجأه تمكن حينئذ الإيمان من قلبه. On revient à la première provision, العلم. L'ilm, c'est quoi? C'est Al-Qur'an et c'est Sunna. Enfin, celui qui s'occupe avec Al-Qur'an, Al-Karim. Ta'ammal huna, qal dawam at-tafakkur wa tadabburi ayat Al-Qur'an. C'est pas qu'une récitation avec la langue. Là, c'est une méditation, une réflexion. Tout ça, on a besoin de ilm. La première chose, la langue arabe. Le Qur'an, il est en langue arabe. Fa'aniyan, connaître aqwal al-ulama. Connaître, qabla dhalika, Sunna qui explique Al-Qur'an. مهم faire des efforts في العلم. قال بحيث يستولي على الفكر. حتى الانسان يغفلشي avec le Coran. Son mizan c'est العلم. C'est pas un tel il a dit mais un tel il a fait. Là c'est القرآن الكريم et السنة النبوية. قال فإذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر من قلبه وهي الغالبة عليه بحيث يصير إليها مفزعه وملجأه تمكن حينئذ الإيمان من القلب. C'est la solution pour guérir et soigner ce cœur. C'est le Coran le Karim. Celui qui donne du temps à ce Coran, تلاوة وحفظا وتدبرا, il donne du temps au Coran et il l'apprend, il le mémorise autant qu'il peut et il médite et il recherche les sens, ça va être une cause pour que la foi elle rentre dans son cœur. La foi elle monte, elle augmente et elle diminue Et le meilleur moyen pour faire augmenter cette foi, pour renforcer cette foi, c'est le Coran, le Karim. Kalamullah, Azza wa Jal. Qala wa jalassa ala kursiyihi wa sara lahu tasarruf. Hada l'iman, c'est yatamakkan fil qalb. Ce iman, il va pénétrer dans le cœur, il va être ancré dans le cœur. Wa sara lahu tasarruf. Le cœur, si il est fondé sur l'iman, sur le Coran, le Karim, c'est lui qui va s'occuper de tous les autres membres. Mais idnillah azza wa jal. Wa sara lahu at-tasarruf ay al-qalb. Et ad-dalil ala hada li ma'ruf. Qawl an-nabi alayhi salatu wassalam comme le hadith de Nu'man radiyallahu anhu, annahu qala alayhi salatu wassalam, inna fil jasad mudgha idha salahat salaha al-jasad kullu wa idha fasadat fasada al-jasad kullu. Dans le corps, il y a un morceau de chair, s'il est bon, tout le corps sera bon. Comment faire pour que ce cœur, il soit bon et ça soit un guide pour tous les autres membres? Tu as la réponse dans ce qu'on vient de lire. Al-Qur'an al-Karim, al-ilm. Ce cœur, tu ne peux pas injecter quelque chose pour le rendre en bonne santé. Abadan. Le cœur, tu as un moyen faqat pour le corriger, pour le soigner. C'est al-ilm, la science. Donner du temps au Qur'an al-Karim et à la sunna du prophète, alayhi salatu salam. Qala wa sara huwa al-amir al-muta' amruh. فَحِينَئِذٍ يَسْتَقِيمْ لَهُ سَيِّرُهُ. تَأَمَّلُوا le lien entre ce chapitre et les chapitres précédents de la Hijra. Ce cœur, si il est guéri, il est rempli de foi et de science, بِإِذْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, c'est ce cœur qui va ordonner à tous les membres d'avancer. D'avancer et de continuer ce voyage إِلَى دَارِ الْآخِرَةِ jusqu'à la mort. قَالَ, on répète, وَصَارَ لَهُ التَّصَرُفُ وَصَارَ هُوَ الْآمِرَ الْمُطَاعَ أمره فحينئذ يستقيم له سيره ويتضح له الطريق وتراه ساكنا وهو يباري الريح. Malgré les obstacles, malgré les reproches, malgré les découragements de certains, malgré les appréhensions et il va arriver telle chose et fait attention et min hadha al-kalam, cet homme ou cette femme qui ont ce cœur qui est fondé sur la croyance authentique, al-ilm al-nafi', ils ne seront pas secoués. Cette voie, l'insan, il sera éprouvé. Ce voyage, il est semé d'embûches, d'obstacles et d'épreuves. Lakin, il sera thabit. Il ne bougera pas. Hatta il arrive à l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est de mourir ala hatayn al-hijratayn. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et suivre al-Nabi alayhi salatu salam. قال وهو يباري الريح وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. نعم, il sera comme un jibal, comme une montagne, comme un jabal plutôt, comme une montagne qui avance. Est-ce que la montagne elle est touchée ou elle bouge, elle est remuée par le vent ou par Foulan qui monte dessus? Ah madame, les montagnes, c'est un exemple pour al-thabat ou al-rusukh, quelque chose qui est ancré, qui est stable. Un des meilleurs exemples, il y a des dunya, c'est les montagnes. C'est quoi qui va faire que cet être humain, son cœur, c'est une cause, il devient comme une montagne, il est plus touché par les reproches, par les critiques, par le découragement? C'est هذا العلم العظيم. ثم, le prochain chapitre, c'est un mithal azim que l'imam Al-Qayyim rahimahullah, il a cité sur un verset qu'il a choisi, rahmatullah alayh, qui n'est pas lié au livre. Là, vous allez voir, c'est l'histoire de Ibrahim, quand les anges ils lui ont rendu visite, alayhi salatu salam, lakin, il a choisi un verset pour l'expliquer et citer quelques leçons à retirer de ce verset pour te montrer l'importance de méditer sur le Coran. Il va citer un exemple, et il va citer plein de fawa'id sur ce verset, mina surati adh-dhariyat, et ça sera un exemple pour nous montrer la valeur de ce Coran. Al-ilm qu'on peut retirer d'un verset. Robama, ce verset qu'on lit tous et on n'a jamais pensé un instant à certains points que l'imam Al-Qayyim rahimahullah il a cité. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad. Et on commencera la lecture de ce fasl et il est assez long. Et on le lira qira'a, c'est des fawa'id, ça ira assez vite. Et après la lecture de ce fasl, inshallah, il restera pas grand-chose. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad. Et on passe à notre deuxième dors, bi'idnillah.